nonchalante, décontractée. Je flâne dans les rues de Toulouse. Les filles sont belles, il y a du soleil. Il n'y a pas derrière mes lunettes que ça bouge. Je m'installe à la terrasse d'un café. Je préfère. Devant